Black Honor. C'est à côté. Oui, bonjour Blockbuster. Merci pour cette très belle émission cultissime qui évoquait ce film La Cité de la Peur. Juste un petit mot pour vous dire que en hommage à ce film, nous avons décidé, mon associé et moi-même, de nommer notre restaurant ODIL, Odile, car il est situé sur le Lido. On ne sait pas ce que ça pouvait bien vouloir dire, donc on avait décidé de l'appeler Odile, Lido, une danseuse peut-être. Tout simplement, ce film est culte à nos yeux. Merci pour votre émission encore une fois, et à très bientôt. Oh, tu fais bien le chat, dis donc. Pourrais-tu en dire un mot aussi ? On peut citoyer. Ouais. T'es lourd. Salut Blockbuster, c'est Sylvain, 36 ans, papa de Victor, 8 ans. Je voulais vous remercier justement pour ce passage de flambeau pop culture à la nouvelle génération et vous dire qu'on était bien en vacances sur les routes normandes et que Blockbuster ne quittait pas notre voiture de chaque trajet. Salut, moi la Cité de la Peur, je l'ai vue quand j'étais jeune, il y a 2 ou 3 ans. J'ai eu peur quand même. Mais j'ai adoré le film, je l'ai revu il y a pas longtemps et je l'adore toujours autant. Voilà, c'était tout. Au revoir. Oui, c'est quand même curieux ces émissions-là. Hier, La Cité de la Peur, aujourd'hui, MC Solar, toutes ces répliques cultes, Bouge de là, Témalieuve, 5-4-3 pastèques. Je me demande quand même si on n'a pas affaire à un blockbuster. Un quoi ? Un blockbuster. Un quoi ? Un blockbuster. Ah oui ! Blockbuster ! To be or not to be, not to be. La colère est mauvaise conseillère. Ça, c'est ce qu'on m'a toujours dit depuis tout petit. Frédéric, faut pas taper les gens. Lâche ce monsieur. La violence n'est pas une solution. Et puis c'est pas comme ça qu'on traite son banquier. Le problème, c'est que la colère, elle te conseille rien du tout en général. La colère, elle prend le volant, elle te fout dans le coffre, elle va où elle veut, et toi à l'arrivée, tu vois si t'es pas trop loin de chez toi. Par exemple, les parents qui s'énervent jamais contre leur gosse autour de moi, ça me fascine. Le gamin, c'est un mélange entre Taz et Chucky, la poupée du diable. En 2 minutes, il t'a retourné le salon. Il peut te dire s'il y a de l'amiante chez toi après avoir léché les murs. T'as les parents, ils sont là en mode « Timéo, c'est s'il te plaît, remonte ton pote. Non, Timéo, on ne fait pas popo sur la table du salon. Je sais que tu es très fier de ce que tu produis, mais il faut garder ça pour papa et maman. » Excuse-le Frédéric, hein, il est en plein dans cette phase. Mais il a 9 ans ton gosse, putain! Dans le rap, c'est pareil. T'as des gens, ils portent leur âme en bandoulière. Chaque parole, ils crient la souffrance d'un arbre généalogique. Et puis t'en as, plus rares, qui vont dire la même chose, avec la même force, mais le calme d'un coach en sophrologie. Par exemple, chez MC Solar, la colère n'est pas mauvaise conseillère. La colère, elle prend juste la poussière. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. C'est dur à définir le rap. Bon, je fais du rap parce que je ne chante pas. Bouge de là. M'attaque, tic, attaque, tout est tic avec tact. Dominique, pas de panique, écoute bien ce fond qui beat. Bouge de là. Mais je suis pas. Je pense que je suis identifiable à aucun rappeur américain. Un break de batterie coule sur la FM. Il se mêle à mon son et fait de moi un phénomène étrange. La cadence à fleur de peau. 5, 4, 3, 2, 1, tempo. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine balancer des rafales de balles normales et faire des victimes. Hollywood nous berne, Hollywood berne. Dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Alors je sais pas, oui je fais du rap quand même. Mais c'est le mien. C'est un conte philosophique basé sur des faits historiques. Depuis le Jurassique jusqu'au SMIC, les ascétiques. Pour le pouvoir, le trafic, le sous-sol ou les narcotiques. Certaines personnes utilisent le clic-clic. On dit que sur notre planète, les petits hommes verront la télé. Et qu'ils sont fascinés par le JT de Jean-Claude Bourré. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Claude. Alors carpe diem, alors carpe diem. Si le rap est aujourd'hui un genre musical qui occupe les premières places de vente d'albums, faut pas oublier qu'au début des années 90, on en était loin. Si cette musique a su se faire une place au sein des hit-parades et au sein du grand public, on le doit principalement à des artistes tels que celui dont on va parler aujourd'hui, MC Solar. Pour revenir sur le parcours de Claude Mbarali de son vrai nom, j'ai avec moi JP Manova, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, très bien. Vous êtes musicien, rappeur, producteur et ami d'MC Solar, et vous avez notamment fait ensemble des ateliers d'écriture avec différents publics dans les collèges, lycées et avec des slameurs. Ouais, j'ai pas fait d'atelier avec lui, hein. Ah, c'est... tout seul. Ouais, tout mais seul. C'est bien aussi. Oui, c'est bien aussi. Avec nous également José Tiepenhauer, alias Géos, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Et c'est moi qui vous remercie d'être venu. Vous êtes animateur radio à Couleur 3, c'est une chaîne nationale suisse, et vous animez notamment l'émission hip-hop Nayuno. C'est ça. Avec nous, Raphaël Dacruz, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes journaliste musique pour Move, l'abécédaire du son. Absolument. Ensemble, on va tenter de retracer l'histoire du rap en France dans les années 90. Comment MC Solar a su faire découvrir et mettre en valeur un art du flow et l'écriture à la française? D'ailleurs, c'est quoi le style MC Solar? En quoi sa personnalité et sa manière d'appréhender l'écriture ont pu détonner dans le milieu du rap? Son évolution et son relatif retrait de la vie musicale? Bref, sa vie, son œuvre dans Blockbuster. C'est parti. 1993, pour à cette époque-là, il y a une émission qui passe à la télé qui s'appelait HIP-HOP. On tombe des nues, qu'est-ce que c'est que ça? Puis on voit des gens qui bougent dans tous les sens. Et puis à l'école, beaucoup de gens sont là en train d'imiter cette danse. Et puis il y a un tel qui a un petit manche disque qui va faire une petite soirée spéciale hip-hop chez lui. Et voilà, on a trouvé notre nouvelle identité musicale pour les quelques années à venir. On s'est dit, oh mais c'est bien, c'est du rap, c'est nouveau. Et je me rappelle souvent encore, parce que moi je regardais ça le dimanche, des fois même je ratais le foot pour regarder l'émission. Et j'entendais, bonjour les frères et sœurs, hip-hop c'est le bonheur, une manière de hacher les mots. Et après on s'est rendu compte, en écoutant, qu'on pouvait aussi écrire des choses et dire des choses sur ce rythme. C'était très très ludique, c'était un jeu pour nous. L'homme qui prend le microphone se nomme Solar, maître de la rime urbaine accompagné de comparses de gangstars. À Paris, en France, comme dans la romantique, imite le maître, mate le mythe comme Chantacus. Limite le maître qui millimètre après millimètre jette l'intellect à des kilomètres. It's your town, guru. Crazy madness, it's all I see out my window. It doesn't matter who's the president, yo. I hate to tell you, but slavery is still in effect. Haven't you checked? Us black folks, we ain't free yet. I make a bet, if we don't let the truth out, evil will win without a doubt. And it's the good, the bad. C'était un extrait de son duo avec le rappeur américain qui a disparu Guru, le bien et le mal, tiré de l'album Jazz Matas, volume 1, sorti en 1993. Raphaël Dacruz. Oui. MC Solar dit dans une chanson que tout a commencé dans la ville de Maisons-Alfort. Donc justement, d'où vient MC Solar? Alors MC Solar, il est né en 69 à Dakar de parents tchadiens. Effectivement, c'est une famille qui est ensuite immigrée en France. Et il a effectivement grandi entre Villeneuve-Saint-Georges, les quartiers nord de Villeneuve-Saint-Georges. Il en parle d'ailleurs dans certains de ses morceaux, de ces fameux quartiers nord, et Maisons-Alfort. Donc ce coin du 94 qui est presque collé à Paris en fait. Et donc, effectivement, de là, et c'est ce qu'il explique assez bien dans l'extrait d'archives que vous avez diffusé, comme beaucoup de jeunes des années 80, ils se mangent la culture hip-hop qui arrive des États-Unis à travers les radios libre et puis cette émission HIP-HOP, et puis ça le stimule. Je pense que c'est quelqu'un qui est très curieux intellectuellement et ça l'a piqué cette musique. Et donc avec d'autres personnes qui font partie d'un crew qui s'appelle le 501 Posse, ils vont former ce petit collectif. C'est comme ça que ça fonctionnait dans les années 80 dans le milieu hip-hop en France. Ils sont ce petit collectif avec des apprentis rappeurs, des apprentis danseurs, des taggeurs. Et donc, oui, parce qu'à l'époque, c'est une sorte de milieu qui est pluriculturel, c'est-à-dire qu'on y a du graphe, il y a de la danse. On n'est pas véritablement spécialisé dans le rap. Non, c'est ça. À l'époque, tous ces pionniers en fait qu'on connaît, qui sont des contemporains d'MC Solar, les gens d'NTM, les gens d'IAM, Lionel D, etc. C'est des gens qui finalement ont fait toutes ces disciplines dans le hip-hop. C'était une culture qu'on prenait à bras le corps en fait. Et donc, au fur et à mesure, il y a des choses qui vont se définir pour les uns et pour les autres. Et MC Solar, parce que c'est un amoureux des mots, justement il va se diriger plutôt vers le rap. Et puis cette sensibilité musicale aussi, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le reggae. Il a grandi en écoutant du Bob Marley, du Peter Tosh, du Police, c'est ce qu'il expliquait à l'époque justement dans les interviews. Et je pense que ça, voilà, il avait cette fibre musicale en plus de cette fibre littéraire et des mots, quoi. Et je vous pose la question à tous les trois. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand un genre musical apparaît via les réseaux sociaux, via internet, on comprend aisément comment ça peut se propager. Mais à l'époque, parce qu'on c'était pas du tout des musiques qui passaient à la radio, ni à la télévision. Comment on peut expliquer que ce rap, que cette culture hip-hop s'est déployée dans les quartiers ? Il y avait un grand besoin déjà de représentation, de représentativité, je sais pas comment il faut le dire, mais en tout cas il y avait une absence dans les médias, dans la société du spectacle en tout cas, de gens qui ressemblaient à MC Solar, aux groupes qui ont émergé à cette époque. Et je pense que le hip-hop a justement permis d'être un haut-parleur pour toute une génération de personnes qui n'existaient pas réellement dans le paysage audiovisuel. Donc oui, pour parler clairement, c'est-à-dire qu'on voyait pas beaucoup de noirs à la télévision, et par contre ils faisaient du hip-hop aux États-Unis. C'est un peu ça, ouais. Oui. Et pour le coup, ça a été l'occasion de prendre les micros, de dire qu'on existe, des quartiers entiers qui se voyaient représentés. Ça a été un haut-parleur pour toute une génération de personnes qui n'existaient quasiment pas dans le paysage. Puis du coup, dans les années 80, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi la libéralisation des ondes, et qu'il y a beaucoup de radios en Ile-de-France notamment, qui ont des émissions qui au début diffusent de la funk, et ensuite de plus en plus de rap, et c'est beaucoup les DJ en fait. Je pense qu'au début, on connaît Dynasty évidemment, qui est un des grands DJ, mais il y en a eu beaucoup d'autres, qui ont permis aussi cette diffusion-là, jusqu'à l'arrivée notamment de cette émission qui s'appelait Dynastyle sur Radio Nova, et dans laquelle notamment MC Solar va faire ses classes avec beaucoup d'autres. Ouais. Et donc justement, parlez-nous de cette émission, en quoi ça a été une plateforme, et surtout un tremplin pour MC Solar. Bah en fait, donc cette émission à la base, ça devait être donc qui était animée par Dynasty et son comparse Lionel Deep, et à son âme. En fait, à la base, il devait diffuser que des disques en fait, puisque c'était le principe d'un DJ. Hein, c'était quelqu'un qui mixait soit en soirée, soit en l'occurrence à la radio. Et puis au fur et à mesure, ça s'est transformé en une émission de live quoi. Il y avait des apprentis rappeurs ou des rappeurs déjà confirmés pour l'époque à la fin des années 80. Le Dynastyle, c'est 88-89 si je dis pas de bêtises. Et donc ils venaient faire des freestyles à la radio quoi. C'est-à-dire donc l'exercice du freestyle pour ceux qui sont étrangers à ça. Dans le rap, c'est vraiment l'improvisation. Donc on balance un thème, on balance un mot et puis on balance ses rimes quoi. Ou alors ça peut être des rimes déjà écrites un petit peu auparavant. Et donc MC Solar il va se forger à ça en fait, parce que on se confronte à l'adversité, à la compétition des autres rappeurs qui peuvent venir dans l'émission. Il faut être toujours plus performant, toujours plus être meilleur, avoir le bon mot d'esprit, la bonne rime. Et en fait MC Solar va faire ses classes dans cette émission en particulier. Ouais, et puis il y avait ce rapport aussi de clan un peu clanique dès le départ. Il y avait des Aussi, il y avait des quartiers, il fallait que tous les quartiers portaient un peu leur rappeur, et donc il y avait une espèce de compétition, mais qui était plutôt saine. Il y avait une émulation et qui fait que quand ils ont fait l'émission Dynastyle, ils se sont retrouvés dépassés un peu par le phénomène du nombre de vocations que ça suscitait. Quoi. Mais c'est vrai que les battles et ce principe d'affrontement, c'est quelque chose qu'on connaît aujourd'hui assez régulièrement. Mais justement, quand on écoute MC Solar dans ses interviews et tout ça, il a l'air tellement apaisé et tellement doux. Est-ce qu'il y avait une sorte de transfiguration quand il s'emparait du micro et du coup, il était vraiment dans des battles? Ou est-ce qu'il a toujours, dès le début, fait ce pas de côté en étant plus cool? Je me lance. Mais je pense qu'il a compris avant tout le monde, au moment où justement tout le monde prenait ça un peu comme un cri à lâcher, qu'on pouvait dire qu'on était sans crier. Il était radical, comme il disait. Il n'y a pas très longtemps, je l'ai entendu dans une interview dire que je me considère comme radical. Donc je trouve une interview avec Mehdi. Mehdi m'a dit absolument oui. Pour moi, j'étais radical et je pense qu'il y a un peu de ça. C'est-à-dire, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire. Prendre un petit peu cette énergie brute du rap qui peut venir de la colère ou plein d'autres choses, mais aussi faire une sorte de judo mental, quoi. C'est-à-dire prendre cette colère, la retourner, et puis parce que c'est sa personnalité aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui est plutôt calme, observateur et tranquille. Donc voilà. Ouais, je pense qu'il a aussi, dès le départ, tout le monde se comparait à un équivalent américain. Et lui, il a voulu, c'est assez marqué chez lui, de ressembler à personne. Mmh. Ou alors il s'est inscrit en même temps dans une continuité de la chanson française avec un côté un peu gainsbourgien comme ça. Et il a créé sa propre identité qui avait pas d'équivalent américain. Et vous, JP Manova, vous êtes rencontré à quelle occasion avec MC Solar? On s'est rencontré dans les, il devait faire nuit, dans les années 95, 96. Il devait y avoir un certain Teufa qui est une espèce de voilà que c'est un producteur réalisateur, il a notamment réalisé les albums de Diams avec Masta, et puis c'est un mec qui connaît les personnes, j'ai l'impression, Teufa, c'est ça? Ouais, mais surtout, que la nuit. Ouais, c'est essentiellement le jour, il se repose. Et c'est un gros boulot, hein. Et puis du coup, on a commencé. Moi, j'étais un jeune, je me faisais les dents. C'était une époque incroyable où on rappait dans la rue, qu'on croisait un rappeur qu'on aimait bien, on voulait l'impressionner, on lâchait des flows, des textes, il répondait. Aujourd'hui, il faut avoir un rib. Hein. Oui, oui. et donc c'était dans ces époques-là. Il y avait des soirées. À l'époque, je crois que David Guetta était à l'entrée de la porte des bains-douches. Et avec sa femme Cathy Guetta, sa femme de l'époque, et du coup on se voyait souvent aux soirées hip-hop là-bas, et après au Globo, dans toutes ces soirées, dans tout cet univers nocturne, et puis par la force des choses on est restés potes. José Tippenhauer, à quel moment vous avez été sensibilisé au style d'MC Solar? À quel moment vous l'avez découvert? Alors moi c'est intéressant parce que je suis né en 1988, donc son premier album, j'ai 3 ans, donc évidemment j'ai pas encore la force pour mettre son CD dans un lecteur de CD, mais en fait moi j'ai 2 grands frères dont un justement qui avait tous les albums, donc je crois que je tombe dedans entre Prose Combat et Paradisiaque, donc je tombe quand même relativement tôt dans le rap, mais voilà, je prends tout un peu a posteriori, et je me rappelle aussi, moi ma culture musicale elle vient du fait que je restais éveillé jusqu'à très tard devant la télé, et là on passait tous les vidéoclips. Encore une fois, ça se passe la nuit quoi. Ouais, oui. Non, mais la nuit c'est super important pour le rap effectivement, et en fait pour un tout petit peu me replonger dans la discographie de MC Solar en vue de cette émission, genre ce qui m'a halluciné quand même, et je me rends compte à l'époque l'effet que ça me faisait, c'est la qualité notamment des visuels, c'est-à-dire les clips, que ce soit Nouveau Western, Paradisiaque, oui. etc. On va peut-être en reparler de ces morceaux un peu après, mais genre la qualité des clips, la réalisation est juste incroyable. Et puis aussi cet amour des mots, donc moi, justement comme j'ai dit, je dois avoir 3 ans premier album, 6 ans, même pas encore 10 ans pour le 3e album, mais quand même dès le début dans les titres je vois qu'on fait des jeux de mots, c'est qui ludique. S'aime, voilà, qui c'est s'aime ludique. Le vent récolte le tempo, moi je sais quand même que l'expression c'est la tempête, mais je me dis ah mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, et puis après ben voilà, je sais pas, l'as de trèfle qui pique que ton cœur carreau, c'est un truc où voilà quand quelle transition, mais c'est incroyable parce que justement le principe d'un blockbuster musical c'est d'écouter de la musique, donc je vous propose d'écouter Caroline, extrait de l'album Qui sème le vent, récolte le tempo, sorti en 1991. Cette émission est réalisée comme toujours depuis 5 saisons par Céline Hila. Elle a été préparée par Manon Rax, Cyril Marchand, Emma Ferret, notre stagiaire Robinson Raldenac et notre stagiaire réalisation Véronica Meyer. Et aujourd'hui à la technique, Tiffany Battistel et Maxime Goudard au mixage. Comme des enfants, je t'aime un peu beaucoup à la folie passionnément, mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale, d'humeur chaleureuse, je devenais brutal. La haine d'un être n'est pas dans nos prérogatives. Tchernobyl, tchernodébile, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets bannis, à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis las de trêve qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. Comme le trèfle à 4 feuilles, je cherche votre bonheur. Je suis l'homme qui tombe à pique pour prendre ton cœur. Il faut se tenir à carreau. Carreau, ce message vient du cœur. Pyramide de baisers, une tempête d'amitié, une vague de caresses, un cyclone de douceur, un océan de pensées. Caroline, je t'ai offert un building de tendresse. J'ai une peur bleue, je suis poursuivi par l'armée rouge. Pour toi j'ai pris des billets verts, il a fallu que je bouge. Pyromane de ton cœur, canadaire de tes frayeurs, je t'ai offert une symphonie de couleurs,

Alors il y a effectivement ce single de Benny B, effectivement, qui est début de soirée. Alors ça, c'est même encore plus tôt, c'était les années 80, voilà. Mais en tout cas, voilà, dans sa forme un peu plus authentique, on va dire, du rap en français, il y a effectivement très peu d'artistes finalement qui sortent des choses, et chacun a ses singularités, ses spécificités. Et c'est vrai qu'MC Solar, comme je pense que c'est quelqu'un d'érudit, c'est quelqu'un qui va à l'université au moment où il enregistre ses premiers albums, qui s'intéresse à la sociologie, qui lit beaucoup aussi. C'est quelqu'un, en fait, et c'est ce qu'il explique à l'époque à propos de son écriture, on lui pose souvent des questions sur l'écriture, c'est... En fait, lui, il adore lire, écouter des radios de points de vue divers. Il va aussi bien lire Rivarol, Minute, qu'écouter des discours d'extrême gauche, par exemple, ou lire la presse féminine. Et je pense que c'est quelqu'un qui a corps de faire ça, en fait. C'est-à-dire de pouvoir parler à tout le monde sur des sujets qui sont parfois complexes, en fait. C'est-à-dire que sur un morceau comme la concubine de l'hémoglobine, on a entendu un extrait tout à l'heure, il va parler de conflits géopolitiques ou de guerres, etc. Mais ça reste compréhensible et abordable. Il va parler du temps qui passe avec des mots qui sont obsolètes dans le morceau obsolète, ce genre de choses, des problèmes du fait d'imposer des esthétiques particulières aux femmes à travers la presse féminine dans Victime de la mode. Et à chaque fois, en fait, il le fait de manière tellement ludique, précisément, c'est ce que tu disais tout à l'heure, José. Que en fait, voilà, c'est ça. Je pense que c'était ça son idée du rap aussi, c'était que ça pouvait s'adresser à tout le monde parce qu'il a aussi ce truc de chanson française, comme tu disais tout à l'heure, JP. C'est-à-dire, ça fait partie de sa culture, quoi. Et JP Manova, quand vous le côtoyez comme ça, alors je sais que vous parlez peu de musique parce que vous échangez sur d'autres sujets. On parle pas que de ça, oui. C'est sûr. Mais est-ce que vous avez pu voir de près comment il fonctionne et comment il travaille? Oui, alors déjà quand vous écoutez ces interviews, vous vous rendez compte que ça pourrait presque être un morceau. C'est on est pris un peu, on est hypnotisé par le flow, par sa voix, et il a développé une technique de rap qui ressemble. Il y a énormément d'artistes que vous avez dû recevoir ou pas, j'en sais rien, mais quand vous les écoutez parler et quand vous les entendez interpréter, c'est radicalement différent. Lui, pas. Il a cette continuité, cette stabilité, un peu de grand sage. Il s'est posé sa voix. Alors, pour ce qui est du travail, est-ce que je pourrais. Est-ce que lui-même, il pourrait définir son process créatif? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est surtout conditionné par l'envie de faire. Et on a en commun, en tout cas, le fait qu'il puisse faire quand il sent les choses, il prend son temps pour les faire. Raphaël Lacroze? Ouais, à l'époque de l'enregistrement des premiers albums, c'est ce qu'il dit dans ses interviews. En fait, il avait l'écriture automatique. En fait. C'est-à-dire qu'il voulait saisir aussi le moment. Donc, il avait une production de Jimmy Jay ou une production de Boom Bass, par exemple. Et il essayait d'en saisir un peu l'émotion. Et puis, il y avait une thématique qui lui traînait dans la tête. Comme à l'époque, les studios, ça coûtait cher, les séances de studio. Hein. C'est pas comme aujourd'hui, on a nos home studios et on peut faire un peu du son quand on veut. Non, là, ça coûtait cher. Et en fait, il utilisait cette écriture automatique pour saisir le moment. Donc, je pense que c'est juste quelqu'un qui est très érudit, qui lit beaucoup, qui observe et s'intéresse au monde. Et en fait, il ressort ça à des moments T comme ça, quoi. Et le morceau qui l'a vraiment fait connaître du grand public, c'est évidemment Bouge de là. Comment lui, il l'a assumé ce morceau? Parce que je sais que généralement, tous les rappeurs, quand ça a été la même chose avec le Mia Dayam, quand ils ont une sorte de titre locomotive, c'est après un petit peu le cousin honteux qu'on dit, ah oui, c'est vrai, j'ai des faits, il m'a fait connaître, mais en même temps, je ne suis pas que ça. Je pense qu'il a assez bien assumé. Il a souvent joué sur scène, même après, je crois, sur la suite de ses tournées. J'ai pas l'impression qu'il a eu de problèmes particuliers avec celui-là. Autant c'est vrai que le Mia c'est devenu, et c'est souvent ce que dit Akhenaton, une espèce d'hymne de camping et que ça les agace un petit peu qu'il soit réduit à ça. MC Solar, ça a juste été quelque part une carte de visite pour lui. C'était son premier morceau et après il a proposé d'autres choses. Le Mia ça arrivait un petit peu plus tard dans la carrière d'Ayam, donc j'ai pas l'impression qu'il a eu de problème particulier avec ça. Surtout que, on l'a écouté tout à l'heure, il y a eu Caroline qui a été un énorme succès, Victime de la mode aussi. Puis après sur ses deuxièmes albums, on vient d'entendre de Nouveau Western là justement. Nouveau Western ça a été un vrai carton aussi pour Post Combat. Donc j'ai l'impression que ça a été dans un flow continu en fait et que ça n'a pas été trop un problème pour lui. Mais même en termes d'assumer, je pense que quand on regarde la suite de sa discographie, il y a, je sais pas moi, Galactica, donc ça c'est apparemment c'était plutôt censé être une chute de studio, un morceau qui allait pas être sélectionné, qui voulait mettre sur Paradisiac dans un deuxième album, enfin voilà, on a tous un peu les données là, mais je veux dire, voilà, je me suis replongé là-dedans. Galactica c'est tellement commercial, c'est incroyable, donc enfin moi j'aime pas du tout, mais dans le sens où je pense que s'il avait pas mais dit comme ça, on avait l'impression que vous adoriez. vous m'avez vendu du rêve, j'étais là genre, oh, il aime bien Galactica. Vraiment, je déteste ce morceau, toute mon âme. Moi ça m'a fait un peu lâcher en fait MC Solar, c'est-à-dire que j'ai adoré vraiment les trois premiers albums, justement la plupart je les ai découverts a posteriori, puis après quand ça part sur Galactica, après encore 5e As, Solar Pleure, Hasta la Vista et tout, moi c'est des trucs où... Et alors parmi ceux que vous aimez, c'est quel est le titre qui a vos faveurs? Moi, je crois que c'est un nouveau western. Déjà avec ce sample-là de Bonnie and Clyde de Gainsbourg. Moi, je me rappelle justement qu'à l'époque, je découvre cet album-là dans la pochette de CD de mon frère. Il a, je sais pas, 300 albums et il y a notamment celui-ci. Et quand je l'écoute, je suis tout de suite transporté. Ça part de Hollywood, ça part de western. Voilà, c'est la force de MC Solar pour moi, c'est vraiment de réussir à dépeindre des images, des scènes de films avec des mots, quoi. Puis alors après, justement, plus tard, quand je suis tombé sur les clips à la télé, le clip, il est incroyable aussi. Ça nous raconte vraiment, vous disiez avant, vendre du rêve. MC Solar était très fort pour vendre du rêve, je trouve, à ce niveau-là. Et puis en plus de ça, quand on se replonge a posteriori, quand on est un peu plus mature, on se rend compte qu'il y a toute une critique de la société, le soft power américain qui est critiqué là-dedans. Hollywood nous berne, Hollywood berne. Donc, et là, puis, c'est un sans faute, j'ai envie de dire. Et puis pour revenir sur son premier titre, celui qu'il fait connaître du grand public, c'est ni plus ni moins que sa propre histoire, en fait. Parce que bon, on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle souvent, on l'associe souvent à Maison Alfort, mais il n'est pas du tout de Maison Alfort. Je crois que c'était la première ville avant Paris, quand tu étais sur la ligne de Villeneuve-Saint-Georges pour arriver. En Égypte. Oui, là. Ça c'était bon, ça a pris une jeunesse. Mais oui. Au moment où il écrit, en tout cas, Bouge de là, c'est le récit en fait d'un. Je crois que sur France Culture, on appellerait ça un récit un peu picaresque, quoi. C'est ses aventures d'une station à l'autre en se rapprochant de Paris. On va dire ça. Pas de raison. Ok, c'est blockbuster, mais quand même. On va poursuivre notre blockbuster consacré à MC Solar en compagnie du rappeur et producteur JP Manova, de l'animateur Géos et du journaliste Raphaël Dacruz. Mais pour le moment, on écoute Claude MC qui nous interprète Super Gainsbar, tiré de l'album Géopoétique sorti en 2017. Il était une fois, dans l'Ouest encore sauvage, un peintre armé de lettres, un vrai tueur à gages. Avec la jeune Houston, il vanne et se pavane, il flambait des dollars, 30 ans avant Swagman. Jadis, il mélangeait à l'arrière des saloons, des mélodies châtiées au rythme boum, boum, boum. Et dans les plaines immenses, de vieux tubes en faïence, la magie de Gainsbourg a peuplé le silence. Super Gainsbar. De la cité, le jeune scribe chétif a tatoué sur le cœur l'étoile d'un shérif. Il masque ses démons en annonçant des psaumes qu'il note sur sa paume dans une rôle ce fantôme. Flic, flank, spliff, stupé, sing, sing, bébé et petite pépé, pin-up comme bling, bling. On peut frotter des lampes et écumer 15 bars. Ça ne fera pas apparaître le génie d'un Gainsbar. Super Gainsbar. The man with the cabbage. Super Gainsbar. He knows the tricks of the trade. Super Gainsbar. C'est l'homme à la tête de chou. Super Gainsbar. L'homme à la tête de chou, chou, chou. Super Gainsbar. De chou, chou, badou, balouba, orang, outan, bubblegum, baby boom, des paix, des vents, des poules, oh didou, didouda, la la namour, lolo, la la rasta quer, lama, la tête de chou, chou, badou, balouba, orang, outan, bubblegum, baby boom, des paix, des vents, des poules, oh didou, didouda. Super Gainsbar sur France Inter. hasta siempre. Que viva la revolución. Rapero número uno, el grito en la canción. Soy en el papel del líder como Fidel Castro. Tengo el micrófono, amigo, cuidado. Solar, soy al mismo tiempo ser y estar estrella. La gente de India me llama Star. Pasta rap de Barcelona, de Costa Rica, Alianza. Tercer mundo, Sudamérica. A mí me gustaba la chica llamada Raquel. Tengo la voz, la fuerza, estilo y papel. Si te gustas vas a bailar como Ibiza. Soy como el sol, sol, hijo de África. Hasta la vista. Hasta la vista, tiré de l'album 5e As, sorti en 2001. Raphaël Dacruz, on a évoqué tout à l'heure le nom de Jimmy J, ce producteur qui a quand même été essentiel au lancement de la carrière de MC Solar. Absolument, Jimmy J, c'est à l'époque où il le rencontre à la fin des années 80, c'est un prodige des platines, c'est un DJ, mais il commence aussi à investir dans du matériel pour produire du son. Dans le rap, on produit avec des machines, des instrumentaux. Et effectivement, en fait, il se rencontre lors d'une soirée rap et puis ils enregistrent des démos. Des démos qui arrivent à devenir des morceaux et à faire ensuite une signature en maison de disque et sortir les premiers albums. Et effectivement, en fait, ça a été un duo, en fait, MC Solar. D'ailleurs, quand il gagne une victoire de la musique en 1992, je crois, ou 93, c'est en tant que groupe. Parce que, en fait, MC Solar, c'est pas qu'un interprète solo. Finalement, c'est aussi des gens qui composent aussi pour lui. Donc, Jimmy J, et également, on l'oublie un peu trop souvent, mais Boom Bass, qui est Hubert Blanc-Francard, qui va devenir ensuite membre de Cassius, du duo Electro Cassius. Et c'est des gens qui vont effectivement définir l'identité musicale de ce que c'est MC Solar, avec beaucoup de samples de jazz, de soul, quelque chose de très fin, de très subtil en fait dans la manière de produire, presque proche parfois de l'acid jazz aussi d'une certaine manière. Et donc ils vont définir le son MC Solar, notamment sur ses deux premiers albums, mais aussi ensuite Boom Bass sur Paradisiaque et MC Solar entre 97 et 98. Je me permets de rebondir. Tu disais tout à l'heure justement qu'à l'époque, le home studio n'était pas encore démocratisé comme aujourd'hui, que les séances studio coûtaient cher. Et selon la légende, Jimmy J aurait gagné au loto. Et c'est pas qu'une légende, puisqu'il me l'a confirmé une fois. Effectivement, il a gagné au loto 600 000 francs à l'époque. Sa confirmation aussi peut faire partie d'une légende, mais je ok, très mais bien. Mais on sait qu'il a gagné la nuit. Il a peut-être gagné la nuit, effectivement. Ça, c'est une certitude, c'est le seul truc stable. On sait qu'il a gagné la nuit. Et pour le coup, il a gagné une deuxième fois en produisant MC Solar. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça lui a permis en fait de créer son propre studio et d'enregistrer beaucoup de monde, parce qu'on parlait d'MC Solar, le 501 Posse, des gens comme Sunny MC, comme Menelik, les premiers pas des sages poètes de la rue aussi, et ce qui va devenir la compilation Les Cool Sessions, sur laquelle MC Solar est une sorte d'animateur, en fait, un peu all-star. Et donc, en fait, c'est tu parlais tout à l'heure d'avoir des crews, en fait, c'est vraiment tout un pôle du rap français qui se crée à ce moment-là, en fait, autour de la figure de proue, MC Solar aussi. Et quand un mec dans un quartier avait un studio, c'était pire qu'une station de métro. Eh oui. Mais est-ce que tout le monde voulait y aller? Bah, c'est clair. Mais justement, là, on parle des autres rappeurs, il y a un schisme qui arrive quand même assez rapidement, compte tenu du succès d'MC Solar, avec le reste du monde du rap, qui du coup, on a un peu l'impression qu'il lui dit, mais t'as trop de succès pour être un rappeur comme nous. Est-ce qu'il y a toujours cet éternel problème de la street cred, la street crédibilité, la crédibilité de la rue, pour les auditeurs qui vont m'envoyer des mails en disant oui, street cred, c'est pas possible, vous avez pas parlé. Donc mais je pense que c'est lié aussi à son côté littéraire, hein, au-delà du succès. Enfin, je veux dire, quand on regarde aussi les albums de IAM ou d'NTM, ils ont réalisé des très très gros succès, et ça a aussi généré de la haine, entre guillemets, de la jalousie envers eux. Mais là où Solar était vraiment dans sa ligne, c'est ce côté vraiment, encore une fois, littéraire. Il le disait lui-même, en plus de ça, qu'il lisait beaucoup. Moi, je me rappelle d'une interview de Ministère Amer où il y a Kenzie qui sont dans une émission et tout, et puis ils disent ouais, moi je m'en fous, j'ai pas besoin de dire que j'ai lu tel ou tel auteur. Je sais pas si c'était adressé directement à Solar, mais c'est vrai que quand on regarde un peu la presse et la communication de l'époque, Solar, lui, il avait pas du tout de souci à expliciter ça, le fait qu'en tout cas il pouvait lire, il s'informait. Bah et ouais, puisque ça, mots, quoi. C'était émergeant comme une contre-culture, exact. Donc une volonté de pas appartenir à une culture dominante. Mais ça, je comprends. Je pense qu'en fait, MC Solar, il a subi un truc qu'il a pas vraiment voulu, c'est-à-dire que comme c'était devenu le rappeur acceptable par les grands médias, on se souvient même de Jacques Toubon, par exemple, le ministre de la culture de l'époque, qui disait ah, c'est formidable MC Solar, etc. Je pense qu'il aurait jamais dit ça d'NTM, par exemple, à l'époque. En fait, je pense qu'il a un peu subi ce truc de comme c'est le rappeur. Il le dirait peut-être aujourd'hui. Peut-être, mais en tout cas à l'époque, je pense que c'était compliqué de dire qu'on aimait bien NTM quand on était dans un gouvernement. d'un seul coup, en fait, il y avait quelqu'un qui venait de cette contre-culture, comme tu disais, de ce truc qui était justement à contre-courant de la culture et de la société française. En plus, voilà, j'imagine, c'était des gens qui ont subi le racisme très jeune, etc. D'un seul coup, il y avait ce rappeur qui était accepté justement dans les grands médias. Bah, en fait, il a un peu subi ça d'une certaine manière. Mais je pense que lui, il a jamais voulu créer ce schisme, en fait. Et d'ailleurs, il le disait à l'époque. Moi, pour moi, tous les types de rap peuvent exister. C'est un grand fan des Ghetto Boys, par exemple, qui est un groupe très très hardcore du rap américain. Donc malheureusement, ce schisme, il l'a un peu subi contre son gré, je crois. Donc en fait, pour schématiser, ce qui a créé c'est cette idée d'accélération sociale, justement, et d'acceptation du grand public, c'est sa maîtrise de la langue française. En fait, ce qui en fait a effacé les distances entre les gens, c'est le fait que comme il était cultivé et qu'il maîtrisait parfaitement le français, qui fait une musique qui était plus agréable sans doute à écouter justement que Ayam ou Ntem, qui était pas plus nul en français que les autres, hein, d'ailleurs, oui. Hein, qui écrivait très bien. Ou par exemple Ntem, on dit souvent parce que c'est Nique ta mère, mais en fait ils écrivaient très bien sur le premier album, c'est très bien écrit. Je pense que c'est juste ça, en fait, c'est que il avait cette musique qui tirait un peu aussi vers le reggae, la chanson française. Il avait cette voix très douce, tu le disais tout à l'heure, quand il parle, il y a un côté très sage. C'est sûr qu'on était loin de l'espèce de colère complètement contenue de NTM. Donc je pense que c'est ça, en fait. Il a subi, malheureusement, cette espèce d'appropriation par les médias à l'époque, qui ont fait de lui une espèce de figure de proue d'un rap acceptable, malgré lui, quoi. J'ai eu une sorte de, comment dire, d'art de la guerre, du machiavélisme positif, des idées à dose homéopathique, des constats du quotidien qui sont pas harcelants, mais qui font parfois réfléchir, souvent des mots choisis qui servent à, alors, un peu orienter la pensée, mais pas une pensée politique, une pensée juste philanthrope. Comme les pensées sont des flowers, ben peut-être qu'en vendissant, ce seront de superbes belles fleurs et que les choses iront mieux. Mais c'est juste aussi en même temps pour supporter le quotidien, quoi. J'ai des rides et des poches sous les yeux, les cheveux poivre et sel et de l'arthrose m'en veut. À chaque check-up, ça ne va pas mieux. J'ai la carte vermeille et la retraite, je suis vieux. Les blouses blanches, analyse ma pisse, teste ma prostate, me parle d'hospice. Les gosses dans le bus me cèdent leur place. Et quand je me casse, ils parlent en verlan, style Temalieu. Si les mots sont pioches, c'est ma tombe qu'ils creusent. Mais je dois rester droit malgré mon dos. Ma scoliose et salaud de l'imbago, j'étais une sommité. La qualité, j'ai bien travaillé, j'étais respecté. De juvénile à pré-retraité, je n'ai pas profité, ma vie j'ai raté. Maintenant quoi, tu veux que je fasse du jogging, attraper les années avec du bodybuilding, mettre de l'antiride à la graisse porcine, passe clean avec peeling et lifting. Ça sonne faux, je veux le feu, la forme, déformer le monde monotone et morne. Comme chaque printemps me pousse vers l'automne, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone, sorti en 2017. Alors, il y a aussi ce problème juridique avec sa première maison de disques, Polydor, qui a fait qu'il n'a pas pu sortir et profiter de ses quatre premiers albums sur les plateformes de streaming pendant très longtemps, et jusqu'à il y a très peu de temps. Ouais, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 97, il veut sortir un double album, et donc il y a un conflit entre son management, lui, et d'un côté sa maison de disques, puisqu'un double album, en fait, c'est considéré comme deux albums. Il avait quatre albums à sortir, et bon, il y a un conflit qui arrive avec vraiment des procédures judiciaires, etc. La maison de disques perd les droits d'exploitation, et donc ils peuvent, en fait, la discographie d'MC Solar pendant très longtemps n'a plus existé commercialement, c'est-à-dire on pouvait plus l'acheter si on voulait aller chez le disquaire, et on pouvait pas plus l'écouter en streaming, précisément avec la démocratisation du streaming. Excuse-moi juste, mais par contre, enfin, le conflit naît justement du fait que lui il veut sortir le double album, ouais. Mais que du coup la maison de disques a posteriori sort l'album MC Solar sans son accord. Exactement, c'est exactement ce qui se passe. Il y a un album qui sort en 97 qui est Paradisiaque, et MC Solar qui sort en 80, qui sont pas des chutes, qui sont des morceaux en fait aussi qui voulaient sortir visiblement à cette époque-là. Hein. C'est ce qui est expliqué pas très longtemps dans des interviews. Mais je crois qu'en tout cas, ça n'a pas été forcément sélectionné dans le but d'être en mode les morceaux du plan A, quoi. Je crois que c'est quand même déjà... Je sais plus, je crois que c'était plus une question d'agencement des titres, etc. pour le double album. Mais le fait est qu'effectivement, en fait, pendant très longtemps, alors que le rap français a continué d'exister, et même pour des gens qui sont des pionniers, comme ses contemporains que sont IAM, NTM, ils ont continué justement à vivre sur ces albums-là, en fait, à les faire vivre, en tout cas sur scène, etc. Et en fait, MC Solar ne pouvait plus le faire. Donc ce qui est problématique parce qu'on a une musique qui a une histoire, on a 30 ans de rap français, disons d'un point de vue vraiment d'une existence discographique, et en fait pendant très longtemps on pouvait plus écouter MC Solar, donc peut-être des jeunes, alors ils peuvent aller sur YouTube évidemment pour l'écouter parce qu'il y a des petits malins qui ont uploadé ça sur YouTube, mais en fait on pouvait plus écouter MC Solar et c'est problématique, c'est quand même une des premières figures importantes de cette musique qui a ouvert des portes, qui a créé des choses, qui a affirmé l'existence d'un rap en français d'une certaine manière, et on pouvait pas l'écouter, et heureusement visiblement un accord a été trouvé, Pros Combat est ressorti là justement au début de l'été, et les autres albums vont arriver d'ici la fin de l'année, donc c'est une bonne nouvelle. Ouais. C'est Qui sème le vent, récolte le tempo, Pros Combat. Ah pardon, excuse-moi, Qui sème le vent, récolte le tempo, absolument, le premier album, autant pour moi, oui, tout à fait. Et pour ce qui est des nouveaux albums, est-ce qu'il y en aura parce qu'on sait que le monde du rap a beaucoup changé justement durant ces 30 dernières années. On a affaire à des très très fortes personnalités qui se clashent, qui etc. C'est devenu un gros business. Est-ce que lui a envie encore d'y participer, parce que on a le sentiment à un certain moment que c'est de son fait qu'il a voulu prendre un petit peu de recul avec tout ça, et même par rapport à la starification qui était la sienne. Bah en tout cas, il a sorti un album en 2017, on a écouté quelques extraits justement, donc je pense que ça le pique toujours. Mais c'est vrai que j'ai pas l'impression, et ça tu peux peut-être le confirmer JP, que toi tu le connais, que être sous les lumières, c'est pas ce qu'il sait lui le plus. Je pense qu'il faut, c'est la meilleure personne à qui il faudrait poser la question, ce serait à lui. Mais effectivement, moi je suis toujours assez curieux de constater la fascination qu'il opère encore chez les gens. Malgré, vous savez, encore une fois, ça n'engage que moi, mais je pense que quand une maison de disques vous dit que vous n'allez pas utiliser vos titres, c'est un peu la chronique d'une mort annoncée, quoi. C'est pour que vous disparaissiez du paysage. Et il a réussi quand même à persister et à garder une image tellement présente et à être tellement toujours impactant. On est là aujourd'hui, une émission sur lui, il y en aura d'autres demain, il y en aura d'autres après. Et malgré le fait d'avoir que sa disparition ait un peu été organisée par une maison de disques. Et après aussi probablement un peu par lui-même, mais je pense qu'il y avait aussi peut-être une volonté de voir grandir ses enfants, de se mettre un peu à l'écart, d'être un père de famille, de passer aussi un peu à autre chose. Et en termes de rayonnement, José Tippenhauer, on sait que MC Solar s'est fait connaître outre-Manche. On l'a entendu faire un duo avec des Américains. Quelle est l'image de MC Solar à l'international ? Bah effectivement, moi, on l'a écouté au tout début là, le bien le mal avec Gourou, c'est sur une compilation qui s'appelle Gourou's Jazz Mataz et qui sort, si je ne m'abuse, en 93. Voilà, moi j'avais 5 ans encore une fois, mais je peux être sûr que c'était quand même un truc de fou, puisque Gangstar, qui est le groupe de Gourou, est un groupe légendaire du rap East Coast comme on dit, et donc qu'il apparaisse là-bas. En plus de ça, lui, il avait justement ses influences jazzy qu'on pouvait assimiler à tout ce mouvement qui s'appelle la Native Tongue, qui était justement le rap plutôt jazzy positif. C'est pas des très bons adjectifs, mais on comprend un peu l'idée. Et donc voilà, de se retrouver sur un morceau avec Gourou, c'était un truc de fou. La Suisse, c'est pas aussi loin que les États-Unis, mais juste que vous sachiez aussi, en tout cas en Suisse, évidemment, MC Solar est une légende. Il a très vite collaboré avec un groupe qui s'appelait Sens Unique. Ils ont fait des morceaux. Moi, je suis connecté, voilà, en tant qu'animateur radio, on croise tous ces artistes-là. Et donc, un des rappeurs principaux du groupe Sens Unique s'appelle Carlos. Et lui, il m'expliquait que déjà, à l'époque, ils allaient faire des 31 décembre, dans les montagnes, faire des showcases, des trucs comme ça, complètement. Alors ça, je sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas, mais Carlos me l'a dit, donc, a priori, j'ai le droit. Il disait qu'avec le Posse 500 One, ils se retrouvaient dans des hôtels et ils retournaient complètement à l'hôtel, voilà, les chambres d'hôtel complètement dévastées et tout. Donc, c'était une rockstar très tôt. Lui et toute son équipe. Et puis voilà, après, juste aussi. Mais il écrivait une très très belle lettre d'excuse quand il partait. Sûrement, avec plein de mots contrits, etc. Et donc il disait, bon, vous avez tout cassé, mais il écrit bien quand même. Non, c'est clair. Mais aussi, juste pour compléter tout à l'heure, quand on parlait de fascination, moi j'étais très étonné même des chiffres de Sonotone. Hein. Sonotone, c'est le single de son dernier album qui sort en 2017. Bah, il a fait platine cet album-là, hein, Géopoétique. Voilà, des ventes, les chiffres même sur YouTube, je veux dire, a priori, les jeunes dont il parle qui sont en train de dire t'es mal, Yeuve, c'est plutôt eux qui sont sur YouTube, ben malgré tout, il fait, je crois que c'est un clip qui a 17 millions de vues, il a eu énormément de presse, il est apparu dans plein d'émissions radio. Pour faire régulièrement des ateliers d'écriture avec différents publics dans des collèges, dans des lycées, moi, les premières questions que je pose en général, c'est qu'est-ce que vous écoutez, qu'est-ce que vous connaissez? Bon, alors j'ai souvent les mêmes réponses de rappeurs actuels. Mm-hmm. Et puis, qu'est-ce que vous connaissez d'un peu avant? Et les seules réponses, le seul rappeur, on va dire, alors j'ai pas envie de dire de la préhistoire du rap, mais NTM, IAM, ils sont pas du tout au courant, mais ils connaissent tous au moins une chanson de MC Solar. Et ça, c'est incroyable. Et c'est une espèce de, voilà, évidemment, ça vient pas de leur fête, mais c'est leurs parents qui l'ont transmis. Et c'est peut-être ce qui fait qu'il a encore perdu aujourd'hui. Il a surtout marqué une génération, quoi. Si je peux compléter aussi par rapport aux frontières, MC Solar pendant des années était tout le temps programmé dans un festival à Genève qui s'appelle la Fête de l'Espoir, qui est un festival gratuit dans un stade de sport. Et voilà, c'était quand même toujours l'événement. Il sortait plus vraiment de musique, ou alors c'était de la musique qui était devenue, voilà, comme on dit, très pop. C'était un des seuls rappeurs programmés. Il y avait c'était des festivals où on retrouvait Axel Red. Je crois que le seul autre rappeur qui était au line-up, c'était genre Camini, pour qu'on se rende compte un peu quel type de rap était programmé là-bas. Mais bah voilà, MC Solar à Genève, à la Fête de l'Espoir, c'était toujours un événement. Et accessoirement, une fois au sortir de ce festival, je l'ai croisé en boîte de nuit et il était super sympa. Voilà. Et il vous a donné de l'espoir aussi. Il m'a donné beaucoup d'espoir et il parlait de manière, même dans la boîte de nuit, il parlait de manière tellement posée, effectivement, j'avais l'impression d'écouter. Mais alors, je le dis rapidement parce que pour préparer cette émission, je parlais de nos expériences avec MC Solar et la réalisatrice m'a dit qu'elle avait un ami rappeur qui travaillait dans un magasin. Il l'a croisé, MC Solar, et elle a joué l'entremetteuse. Elle a dit, il fait du rap, il aimerait bien vous en parler. Et en fait, il s'est arrêté et il a parlé avec lui pendant une heure et demie pour lui donner des trucs, alors qu'ils se connaissaient absolument pas. Et voilà, je pense que ça résume assez bien la qualité du bonhomme. Donc effectivement, il casse peut-être des hôtels en Suisse, mais si vous lui posez des questions, il prend le temps de vous répondre. Non seulement ça, mais en plus pour ce qui est de son rayonnement à l'international, énormément, je veux dire 99% des rappeurs que je connais, dont moi, auraient sa notoriété, on se la pèterait 10 fois plus. Ouais. Mais vraiment, mais j'ai des anecdotes de Kanye West qui sait qu'MC Solar est là et qui dit oh MC Solar évidemment lui il va jamais en parler ou quoi. Bah il, oui. C'est incroyable. C'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie du rappeur et producteur JP Manova, de l'animateur Géos et du journaliste Raphaël Dacruz pour évoquer MC Solar. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous pouvez, comme tous les jours, chers auditeurs, nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou bien sûr en parler directement avec moi sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. L'option ou le truc qui va avec mon tempérament, c'était de pas être obligé de crier pour parler, puis de poser calmement sa voix. Mais je suis pas le prince, parce que si je suis le prince, les autres, donc c'est mes sujets. Alors non. Ah, parce que vous n'aimez pas dominer? Ah non. C'est bien dans la tête de dominer, mais non, je crois pas. Alors lui, c'est pas MC Solar, mais il se débrouille tout de même. Et pour se quitter, Muriel Pérez, notre programmatrice musicale qu'on embrasse très fort, nous propose Tyler, the Creator, Lil Wayne, avec Hot Wind Blows. Ladies and gentlemen, we just landed in Geneva. Yeah, that's in Switzerland. We're on a yacht. A young lady just fed me French vanilla ice cream. We all got our toes out too. Travel the globe, you keep the block hot, driver. Open the door for me, my hair hurt, find us. We playing hide and seek with the passports. Where the fuck we at? Oh, the pilot gotta remind us, yeah. The luggage is piling, I need a clothes to wear. So many stinky sit in my wallet, look like a folding chair. The Cartier so light on my body, thought I floated here. We boated here, it's Tunji and Tyler, but call me Baudelaire, yeah. Out in Switzerland, travel with my bitch, yeah. We kissing dog, I love when she let me rub her like Michelin. 100 grand asleep on the bird, the wings are whistling like... Man, they ain't listening. We cross the line like immigrants and benefit from it. Keep on stunting on these niggas, make them sick to their stomach, man. Y'all don't understand. Fish so fresh that you could taste the same. Yeah, we getting lost, but we know who we aim. Bada, sun. Treat that last part like you niggas ain't saying nothing. Yeah. You see these excursions right here? Just too lavish to post on the gram. Excuse me, pardon me. The wind it blows so hard to me, like Mother Nature arguing about some baby father beep, and I'm stuck in the middle of the sandwich, like slaughter me. Got my middle fingers to the cameras, that's recording me from y'all to me. Brrr. Stop calling me unless you're ordering. I'm on the beach, I got my feet out, and I stay on my feet. The corner beat, I'm on a deep route. Just throw the ball at me, thought all this lean would have me see now. I guess they see now. That's touchdown, catch a beat down like I catch touchdowns. I fuck around and slow the beat down and take the drums out. The speed of my blow, I'm so greedy, I'ma eat my own flow. And I'm in need of a flaw, I'ma eat me a rap, but I might as well eat me a hoe. Oh. I'm hot as hell when the weather is freezing the cold, as a devil, a demon, and ghost. I'ma get even to even get even some more. It's too late to even get low. Bow, whoop gang, that's what I need you to know. Moonlight, Weezy the goat. The wind beneath my wings, desert eagle underneath my coat. Yeah, moolah. bitch. Hard week. Tyler, the Creator, Lil Wayne avec Odd Wind Blows. Demain dans Blockbuster, un homme qui a du mal à gérer sa colère, comme Francis Lalanne. Francis Lalanne, un homme que tout le monde croyait mort, comme Manuel Valls. Valls, un homme chauve et athlétique, comme Jean-Michel Blanquer. Un homme qui veut faire la révolution, comme Jean-Luc Mélenchon. Un homme qui a décidé de foutre un bordel sans nom et de se tirer ensuite, comme Emmanuel Macron. Demain, on parle de Code of Moi. France Inter.